Dans les couloirs pour localiser le boucan, vous croyez que j'ai que ça fou? J'en ai marre, hey, oh! Ça va pas bientôt finir, non? Qu'est-ce que j'avais dit? J'avais dit mollo sur le Destroy. Bonsoir et bienvenue pour une nouvelle session de Nuisance Sonore, l'émission qui refait l'actu musicale avec une expertise douteuse et un professionnalisme sans limite. Moi, c'est Mickey, je suis très content de vous retrouver, de retrouver mes deux acolytes, Eric, le néo-berlinois. Hello. Et Nox, l'ancien londonien. Hello. Comme tous les mois, vous aurez le droit à nos super rubriques, le blockbuster, le portrait chinois, le thème, la dernière news avant de partir, mais on commence. Comme toujours, avec les découvertes du mois, avec la question rituelle pour Nox, avec quoi tu as fait chier tes voisins ce mois-ci? J'ai fait chier mes voisins avec Ty Segall qui est de retour, j'allais dire en fin de retour, mais non, Ty Segall revient tous les ans, au moins une ou deux fois généralement. C'est génial, le gars fait du garage rock depuis une dizaine d'années. Il a dû sortir une quinzaine d'albums à peu près déjà. Bon rythme, ça. Il a un rythme très très soutenu et qu'en plus c'est toujours gérant bien, toujours bien écoutable, très bon niveau. Donc ça fait toujours plaisir de le retrouver. En plus, ce nouvel album, il est bien parce qu'il est varié. Et ça parlait d'un coup de morceaux un petit peu très garage, très basse, très fuse, très saturé. Et le morceau d'après, ça va être un morceau très progressif qui va durer 8 minutes. Et après, t'as une petite balade très 60s, donc tu passes vraiment du coq à l'âne entre deux morceaux, et c'est vraiment toujours aussi cool, quoi. Et très old school en plus. Enfin, du coup, t'as écouté l'album un petit peu? Le côté old school est vraiment plaisant. Ouais. Enfin, c'est bien maîtrisé, et effectivement, de l'amener comme ça, de manière aussi fluide, aussi cool, Et comme tu dis, en faisant les transitions entre les morceaux. Les morceaux, les balades, etc. C'est nickel. Moi, j'ai adoré aussi. Ah bah, c'est cool. En fait, c'est hallucinant de voir l'histoire du gars qui est parti avec du fuse, vraiment très baveux, très saturé, où c'est limite pas écoutable. Et d'un coup, le gars arrive à la fin. Petit morceau 60s, limite Pink Floyd, Bowie. Tu fais, ah ouais, d'accord, sympa. Eh ben moi, en bon chieur, je crois que je préfère sa partie fuzz un peu barrée, surtout avec son groupe qui s'appelle Fuzz, tout simplement. Il a un groupe, pour le coup, qui, avec de la guitare saturée dans tous les sens, et limite, quand tu dis garage rock, je trouve que ça s'applique moins à cet album-là, qui est beaucoup plus varié. Les premiers étaient très bordéliques, et là, j'ai l'impression que ça se structure au fur et à mesure. Et c'est d'autant plus structuré que ça tranche avec l'album de Fuzz qu'ils ont eu la sortie... 2015, il est sorti. Il y a deux ans, c'est ça, l'album de Fuzz, et qui, lui, était complètement barré, psychédélique, et vivla de rock, quoi. Et pour celui-ci, il était batteur, par contre, Ok. Et c'est Steve Albini aussi qui a produit cet album, en plus. Un gage de qualité. Donc, ta recommandation, c'est Ty Segall avec l'album... Ty Segall. Il y a un autre album de Ty Segall qui s'appelle Ty Segall aussi. Oui, c'était son premier, justement. Je pense que c'est celui-ci qui était très, très saturé. Donc, prenez bien 2017. Ouais, c'est ça. Et enjoy. And when it speaks, I write the view. But my papers, they depend on tape. I stuck them to the wall. Yes, the papers depend on tape, so they do not fall. They do not fall. Let's take your home. Moi, j'ai fait chier mes voisins avec Chuck Ragan et l'album The Flame in the Flood. Moving on, there's a silence that may be heard loud and clear. Innocent, wild and natural cadence. Keep my eyes open, Donc Chuck Ragan, c'est l'auteur-compositeur d'un groupe de punk rock qui s'appelle Hot Water Music, qui a quand même une certaine renommée aux États-Unis. Il s'est, après quand même pas mal d'années à faire dans le punk rock plutôt mélo, il s'est reconverti dans le folk en solo, plutôt folk, bluegrass. Et ça fait déjà depuis le milieu des années 2000 qu'il fait des albums dans ce genre-là. C'est quelque chose en fait que j'ai découvert un peu par hasard. Après, bon, j'aime toujours les ambiances un peu guitare sèche, mais pas uniquement solo, avec quelques instruments un peu, disons, classiques de la country, du bluegrass, donc le violon, la mandoline, le banjo, etc., ce genre de trucs. Chapeau de paille. Ouais, bah un peu de ça, ouais. Le truc, le bon trip de redneck, ça me fait toujours, j'aime toujours ce genre de... C'est les alligators. Ouais, c'est le François Gilazaro américain. Ouais, il y a un peu de ça, ouais, il y a un peu de ça, ouais. Il y a un petit peu de ça, ouais. C'est un truc que j'ai bien aimé. Alors, du coup, les titres qui sont les plus rythmés, où tu sens qu'il a quand même ses influences punk, les titres qui sont vachement rythmés font penser à du Celtic punk, un peu comme Flogging Molly. Donc, c'est toujours... Tu connais pas Flogging Molly? De nom, je connais de nom, mais c'est tout. Flogging Molly, c'est peut-être une des meilleures expériences de concert qui m'a été donnée de faire. C'est vrai que c'est chouette à faire En concert. Même si tu connais pas du tout, c'est chouette à faire en concert. D'accord. Ouais. Voilà. Mais au final, les meilleurs morceaux, c'est les morceaux les plus posés. Voilà, c'est où t'as l'impression d'être, tu sais, au coin du feu, au coin du feu, avec une petite rivière en mode bivouac, tu vois. Avec le petit rocking chair et tout. Voilà, et puis ouais, c'est plutôt ça. Ce qui est assez marrant, c'est que c'est la bande-annonce, en fait la bande originale d'un jeu vidéo qui s'appelle The Flying in the Flood. Voilà, et c'est une sorte de roguelike, pour ceux qui connaissent, c'est une sorte de roguelike comme dans Starve. Voilà, pour ceux qui connaîtraient pas, c'est pas grave, la BO s'écoute très bien sans les gens. Du coup, Chuck Ragan, The Flame in the Flood, très sympa, voilà. Ça va bien, yes. Ça, j'ai bien fait chier aux voisins avec ça. Vous avez pu un peu l'écouter? Quoi avons-nous pensé? Non, mais déjà, est-ce que vous l'avez écouté? Ah ouais, j'ai chopé une chanson, je sais pas si ça consiste en une seule chanson ou quoi. C'est un album, en fait. Alors, il y a des morceaux acoustiques. Des morceaux chantés, pas trop déjà. Bon, du coup, le seul morceau que j'ai réussi à choper, c'est. Ça doit être un morceau éponyme. Hein, oui, ouais. Le titre Flame in the Flood, qui voilà, est vraiment pas le meilleur pour le coup. Alors, du coup, c'est étonnant parce que c'est vrai qu'en plus, je connais pas du tout la biographie de Chuck Ragan, etc. Ouais. Donc, je suis arrivé un peu comme ça en prenant pleine balle l'expérience de balade, cool. Bon, du coup, plutôt bien foutu. Après, c'est vrai que c'est beaucoup plus intéressant, justement, de l'imaginer dans sa transition et d'être capable de changer de style comme ça, à la vraie, et de se renouveler différemment. Et voilà. Bonne découverte. Mmh. C'est vrai que moi, ça m'a surpris quand tu m'as dit que c'était le chanteur d'un groupe de hardcore. Et j'ai fait, ah ouais, c'est vrai que ça change c'est un petit pas peu. Pas vraiment de hardcore, c'est plus du punk rock mélo, mais pas du hardcore pur jeu. Ah oui, d'accord, tout. Ouais, d'accord. Plus du mélo, quand même. Okay. Hot Water Music, ouais. Mais ouais, moi en fait, ça m'a fait vachement penser à Eddie Vedder en fait, dans ce qu'il a fait pour Into the Wild, dans le style et tout. Ça ressemblait vachement fou dans l'ambiance, dans ce qu'il projetait et tout. Mais non, ça s'écoutait très bien, quoi. J'écoutais 3-4 morceaux, très très bien, quoi. Pas de soucis. Avec grand plaisir. Long water, carry me. Alors Eric, avec quoi tu nous as fait chier? Je vous emmerde tous. Moi j'ai les goûts. Alors, groupe de hip-hop américain qui vient d'Arizona qui s'appelle Injury Reserve. Oh my god, hey, I ain't done shit. Oh my life, hey, I'm about to spend four. Yeah, pretty motherfucker, better go and smile for the camera. Might stash a little, I ain't going out like Hammer. Can't spell the same life, getting money from my grandma. The boy's so charming, I get it from my grandma. Qui qui vient d'Arizona. Donc c'est déjà un exploit que les mecs soient connus. Oui, et parce qu'ils ont sorti un album. C'est leur deuxième. Leur premier s'appelait Live from the Dentist Office. Bon, l'histoire dit pas s'ils l'ont vraiment fait. C'est, voilà. C'est particulier quand même. Attends, moi c'est original. C'est particulier, mais ouais. Et c'est un trio hip-hop composé de deux blacks et d'un roux. Pourquoi pas. T'as un roux, t'as ce hardcore. Ah oui. Et qui est quelque chose d'assez étonnant, les mecs sont tout jeunes et brassent une bonne quinzaine d'influences. J'ai pas réussi à faire le tri entre tout ce que ça me rappelait, entre du Kanye expérimental, entre du Kendrick Lamar, du Ludacris, du Ludacris. Du Ludacris pour certaines voix, des beatnuts pour certaines ambiances, enfin des sons hyper cool qui sont classés officiellement comme du jazz rap et ouais. Comme le premier titre de l'album le dit explicitement, c'est pas du jazz rap, etc. D'accord, etc. Oui, d'accord. Un truc très cool, c'est 12 sons, 12 pistes, c'est pas cohérent à première écoute, c'est beaucoup d'expérimentation, donc il n'y a pas vraiment de fil conducteur. Après, ce qui est très intéressant, c'est que tu reviens au morceau, et je me suis retrouvé à revenir au morceau indépendamment, après avoir écouté l'album une fois, deux fois, sans avoir trop pigé là où il voulait en venir. Et ce qui fait de cet album un chouette album à mon goût, c'est justement ça, le fait de pouvoir revenir sur 2-3 pistes, dire ce truc-là, je me fais sauter sur place, ce truc-là me fait écouter les paroles tellement le flow est bien placé. Nickel, super son, je recommande 2 pistes dessus. 2 bangers, le premier au shit et la troisième, j'ai oublié le nom, All This Morning. Ok. Ouais. D'accord. T'as pu l'écouter? Ouais, j'ai écouté quoi. T'as écouté l'album ou... Peut-être pas en entier, non, j'ai écouté le premier morceau, parce que je sais que c'était celui qui était le favori dans les titres Spotify, donc... Mais non, mais vraiment c'est cool, j'ai écouté plusieurs morceaux, donc c'est déjà bon signe. Généralement si je passe 3-4 morceaux, c'est déjà que c'est déjà pas mal. Ouais. Non, mais très très bien, mais... Par contre, hier, du coup, on discutait avec Mickey et tout, c'est quel style exactement, comme, du coup, pour toi? Pour moi, c'est pas tant un style, c'est plus un esprit qui fait appel à pas mal de... Comment je pourrais dire ça, des marqueurs du hip-hop. C'est-à-dire que moi, l'impression que ça m'a donné, c'est qu'il pouvait produire du son pour des danseurs, comme il pouvait produire des textes pour des choses plus revendicatrices, comme le rap a pu le faire à pas mal de moments dans l'histoire du rap. Il pouvait aller sur des choses beaucoup plus festives, beaucoup plus... et c'est une espèce de jonglerie avec tous les éléments constitutifs du hip-hop. Et... Voilà. D'accord. Donc c'est dur de leur donner un style en particulier. Pour moi, c'est plus la maîtrise des styles et des genres qui fait que le truc est réussi. Donc. Oui, bah, parce que justement, comme on en discutait avec Nox, à l'écoute, moi, effectivement, comme Nox, j'ai écouté quelques morceaux et je me disais, bon, bah, c'est du bon gros crunk, avec de la grosse basse, de la voix un peu sursaturée, on est très méchant et on fait des grosses voix. Mmh. Et justement, tout, c'est assez étonnant parce qu'il y a quelque chose d'assez opposé finalement entre la description que tu en fais de quelque chose de très d'expérimental, de très divers, ouais. Et l'écoute que j'en ai fait, mais j'ai peut-être pas écouté les bons morceaux, où je voyais un truc assez, au final, assez plan-plan, quoi. Juste un beau gros crunk, un peu gangsta, et basta. Mais ça m'a mis plusieurs écoutes, hein. Au début, je l'ai vraiment écouté par hasard, sans... J'avais jamais entendu parler de ce groupe-là avant de l'écouter pour la première fois. Après, ouais, c'est 150 000 vues sur YouTube, donc c'est pas un franc succès. Ça reste local, 150 000, hein. Bon, c'est quand même pas mal, déjà. Ouais, c'est... À l'échelle du rap des États-Unis, c'est pas gigantesque, quand même. À l'échelle de l'Arizona, c'est pas mal, hein, quand même. C'est vraiment... C'est pas venu tout de suite non plus, c'est plus de m'apercevoir qu'il y avait des sons qui restaient en tête et de voir un petit peu comment... Enfin, voilà, assez intriguant, un petit peu dérangeant, mais je demande en fait, j'attends de voir un petit peu ce qui va pouvoir se passer pour les prochains albums, mais je leur accorde beaucoup de crédit dans leur maîtrise du style. Ok. Et eh ben merci pour cette présentation. Un pari sur l'avenir. Look at those shoes, got these niggas like what you gonna do? But you know I'm gonna floss like I'm supposed to. But she hopped out the car and it's rose too. And she had a sugar daddy with a cold dude. Had the long fingernails with a gold tube. Now I'm looking like damn Richie, what you gonna do? On passe au blockbuster du mois. Le blockbuster du mois. Ah, ouais. Voilà, proposez vos jingles. Hein. On est preneurs. Donc, ce mois-ci, il y a eu un débat assez agité au sein de la rédaction Tu sais, on est trois, là, on peut dire rédaction. Hein, on peut... Ouais, ouais, c'est clair. Oui, c'est... on tient à dire que la bière a volé. Ah ouais, non, mais au moins, on a... ça s'est insulté copieusement. Ouais. on a été obligé de régler ça par via Rap Contender. Obligé. Et donc, du coup, ce mois-ci, c'est The XX avec l'album I See You. Am I too high, am I too proud, is the music too loud for me to hear? Now I go out, but every beat is a violence noise. Dries in my eye, with every beat comes a violent noise. The melody sun. The XX, c'est qui, c'est quoi? C'est un groupe britannique de pop électro qui a été créé à la fin des années 2000, dont la notoriété a absolument explosé à la sortie de leur premier album, éponyme. Et le titre est Crystallized, surtout. Ouais, voilà. Aïe, aïe, aïe. Là, il est diffusé, utilisé partout, que ce soit dans les séries TV en vue, dans les stades de foot lors de l'Euro 2012. Et il y a même un morceau du premier album qui a été resamplé par Rihanna, ce qui aide plutôt pas mal à se pour faire la connaître. C'est pas mal, ouais. Ça peut pas mal aider. Donc en janvier 2017, ils ont sorti un troisième album, I See You, classé numéro 1 aux États-Unis, aux US et dans pas mal d'autres pays. En France, il se cale à 5e, ce qui est quand même pas mal. C'est quand même pas mal vu les scores que font habituellement les groupes de pop électro anglais dans le coin. Oui, en plus en France, maintenant, il n'y a plus que 10 groupes, donc c'est pas mal. mais il faut voir que c'est un groupe qui remplit tranquillement le Zénith à Paris et la Altony Garnier à Lyon. Donc c'est déjà. Alors, je ne sais pas pour la Altony Garnier, mais je sais que le Zénith à Paris, c'est complet. C'est quand d'ailleurs le Zénith? C'est dans pas assez, c'est le mois prochain. Ouais, donc le mois prochain. Ils enchaînent direct la sortie, la tournée. Ouais, c'est ça. Pour le blockbuster, nous sommes attelés à décortiquer cet album. En fait, tout simplement, pour que vous sachiez ce qu'il faut en penser. Comme ça, vous n'aurez même pas à écouter. Ouais. Si on vous demande c'est quoi The XX, et ben voilà, vous ressortez cette partie-là. The XX, qu'est-ce que tu en as pensé, Eric? Si je ne me trompe pas, c'est l'album sort après 5 ans. Enfin, il y a eu un deuxième album entre le premier fin 2000 et celui-ci. Je crois que Coexist est sorti en 2012, 2013, un truc comme ça. Parce qu'il fait déjà 5 ans. Ouais, je crois qu'il y a eu un gros... Mais je ne sais même pas que c'est sorti le deuxième album, en fait. Bah, en fait, il y a Jamie XX, il a sorti un album solo, je crois, entre-temps. Donc, il y a aussi pas mal de... D'accord. Et puis, il me semble que Coexist a été une plutôt déception au niveau de vente, tant qu'au niveau de la chronique. Ouais. Donc ce qui a peut-être aussi justifié une pause conséquente, peut-être qu'ils n'avaient pas réussi à l'époque à se renouveler. J'avoue que pour le coup, j'ai jamais écouté le deuxième album, je me suis juste documenté. Du coup, ce troisième album-là, il arrive sur 5 ans après, donc il y a quand même forcément des étapes qui ont été franchies. La première qu'on peut retenir directement, c'est le virage complètement électro dès l'intro, avec des sons qui ne sont pas du tout ceux auxquels The XX rock et surtout le côté minimaliste. Ça commence la chanson d'intro de l'album commence avec une espèce d'harmonie de trompette un peu presque dissonante. Enfin, c'est un son assez bizarre finalement, et c'est pas du tout un son attendu pour le groupe. Et l'album est à peu près dans cette veine-là. Il y a une évolution vraiment marquée, une volonté d'amener un autre univers et une autre dimension à l'électropop minimaliste qui continue de pratiquer un petit peu quelque part et qui les influence toujours un petit peu, mais en posant des ambiances plus définies, peut-être plus accessibles aussi, qui vont forcément plaire dans pas mal de playlists, etc. Parce que les sons sont fédérateurs. Oui, ça c'est vrai. Pour le coup, cet album-là, je pense qu'il s'écoute bien d'une traite au final. Alors, spoiler, j'ai pas été un grand fan de l'album, mais si on peut lui trouver des qualités, et honnêtement c'est pas si compliqué de lui en trouver, c'est qu'il est très cohérent. Il n'y a pas de chanson où on dit « Oula, ça me sort du trip parce que je comprends rien ». Il y a un tout et ils sont partis sur une idée directrice et elle suit tout du long. Du coup, et ça, c'est une grande force. C'est une grande force, en tout cas, en termes de démarche artistique. Ça, c'est plutôt très bien fait. T'as pas l'impression d'être brinque-ballé de droite à gauche, et t'as pas non plus... en fait, derrière le côté très facile du style de musique global, c'est-à-dire de la pop avec de la mélodie assez simple et des trucs que t'as déjà entendu, t'as pas l'impression que c'est quelque chose de facile qu'ils ont fait, pourtant. Ouais, exactement. Et c'est ça qui j'ai trouvé intéressant. Mon problème reste que quand même quand tu t'éloignes un peu et que t'essayes d'avoir une vision globale sur l'album, c'est quand même pas bien différent que de ce que tu peux écouter à longueur de journée sur Energy ou Fun Radio, peut-être avec une boîte à rythme en plus, quoi. Mais globalement, c'est un peu ça qui m'embête. Moi, c'est vrai que je trouvais que justement, c'était vachement cohérent aussi dans la... Pas que l'album, mais aussi dans chaque chanson est vraiment cohérente en fait dans sa structure et tout. T'as franchement le bon son qui va avec la bonne boîte à ta rythme. Mais tu sens que le Jamie XX, quand même, il maîtrise vraiment bien tout ce qui est son électro, parce que voilà, tu sens quand même qu'il y a une certaine qualité là-dedans, je pense, qui fait que ça soit cohérent du début à la fin. Par contre, moi, c'est vrai que je trouvais que le côté minimaliste, je trouvais que ça n'aidait pas l'album en fait. Par contre, c'est vrai que ça le rend facile d'accès. Mm-hmm. Mais comme tu disais, justement, dès que tu veux aller plus loin, en fait, du coup, ben, tu peux pas aller vraiment plus loin. Tu l'écoutes en bon album, moi, je trouve, de soirée, parce que tu peux le mettre en fond sonore, il n'y a personne qui se plaindra. Ah, jamais. Mais... jamais. Mais après, ouais, du coup... Honnêtement, je vois pas comment. Après, du coup, pour ressortir quelque chose de spécial, c'est un peu plus dur, quoi, parce que c'est tout super. Mais par contre, moi, je trouve que c'est quand même les voix qui gâchent un peu le tout, quoi. Parce que je trouve que, en fait, la chanteuse, elle chante bien, et les deux chantent très bien, il n'y a pas de souci, mais ça manque de hauteur et de gamme et tout. En fait, il reste toujours sur le même niveau vocal. Et ça empêche un peu d'avoir de l'émotion, parce que du coup, ils vont dire qu'ils sont tristes pendant tout l'album, mais c'est toujours pareil. Donc à la fin, tu dis, prends un mouchoir. Ouais, c'est vrai qu'on, pour le coup, on revient sur ce qu'on a dit sur la femme il y a quelques mois, sur l'association des voix peut être intéressante, mais le côté monocorde est un peu lassant à la fin. Et surtout qu'il n'y a aucune prise de risque dans les parties vocales. Ah, c'est vrai que comme tu dis, c'est vraiment très, c'est presque trop neutre dans l'approche des, alors que ça se veut plus touchant que ça ne l'est au final. Les textes sont horribles. Hein. Les textes sont horribles dans cette instance. Ah bon? Textes, je jure, mais il y a une chanson en particulier. Bah tiens, je vais lancer tout de suite. Déjà, vous pouvez réfléchir à la chanson qui vous a le plus plu. Ouais. Il y a une chanson qu'il faudra sortir, mais la chanson qui m'a vraiment le plus plu dans l'album, c'est Violent Noise, qui est chanson qui je trouve assez intéressante, vu que en gros le propos, en gros, c'est je trouve qu'il retranscrit très bien le fait que par exemple t'es en boîte, il y a le gros son du beat et de la basse qui te déchire les tympans, avec justement le côté dissonant, et pourtant dans la chanson il n'y a pas de boîte à rythme, il y a zéro boîte à rythme. Et en termes d'arrangement, je trouve ça super bien sympa, et ça, en plus, ça augmente l'effet de des paroles. D'accord. Okay. Et c'est pas si souvent, mais après, c'est un truc qu'ils utilisent beaucoup dans l'album, mais je trouve que là, c'est quand même plutôt bien utilisé. Après, le problème global reste les arrangements qui sont en forme avec des synthés années 90. Honnêtement, à la première écoute, je me suis dit, mais pourquoi je suis en train de réécouter Everything But The Girl. Parce que c'était vraiment ça. Ça reste du très classique, très facile, mais avec une subtilité qui permet de dire ouais, ça ne fait pas qu'appel qu'à mon cortex reptilien. Il y a quand même la maîtrise, c'est ça qui existe. Oui, tout à fait, donc, c'est globalement, c'est ça l'idée. Tu sens qu'ils maîtrisent leur sujet complètement. Un titre qui vous a particulièrement plu La dernière piste, que je trouve un poil frustrante et qui comporte pas mal de silence pour le coup. Moi, j'aime assez l'utilisation des silences dans la musique de manière générale. Mmh. Je suis assez réceptif à ça. Là, il y en a, je suis content. Et en même temps, la dernière piste, elle serait presque comme symbolique d'une montée en puissance de l'album. Il y a quelque chose de ça aussi. Je trouve que c'est assez progressif. Et au final, c'est quoi? C'est la 10e piste en plus. Il n'est pas très long, l'album. Oui, l'album est court. Hein. Il fait une fois 30-35 minutes. Une quarantaine de minutes. Et c'est vrai que je suis un... poil resté sur ma faim à cause de la dernière piste, et en même temps parce que la dernière piste me plaisait pas mal. Donc voilà, Okay. C'est Test Me, je crois. Test Me. Ouais, ok. Et toi, Nox? Moi, j'en ai une, mais alors, du coup, il faut que je retrouve le titre. C'était Brave of You, un truc comme ça. Ou je sais pas comment ça s'appelle. Il faut que je retrouve le nom de la chanson. D'accord. Mais c'est en fait, quand j'écoutais l'album la première fois en. Qui nous aurait distraite, en fait, c'est ce premier morceau, j'ai fait, putain, il y a quelque chose cette fois-ci. Non, c'est lui. Ouais. Je crois que d'ailleurs, c'est ce morceau où la fille, elle essayait vraiment de mettre la voix et tout en avant, ouais, essayer de mettre de l'émotion dans cette chanson, et puis il est très minimaliste avec une petite guitare, si je me rappelle bien. Elle s'écoute assez bien, celle-là, je trouvais. Mmh. D'accord. En tout cas, moi c'était Violent Noize. Mais ce qui bon, est, parce que, je suis sûr que t'as écouté la chanson juste en première parce que le nom te plaisait bien. Non, bah non, la première que j'ai écoutée. Non, non, la première. En plus, elle est pas en violente du tout. Mais la première que j'ai écoutée, bah c'est Unhold parce que c'est le single et je trouve assez décevant en fait. Les deux singles sont décevants dans l'ensemble. Enfin, c'est quoi, c'est quoi le deuxième? Odin, c'est plus loin dans l'album, c'est une des deux premières, je crois que c'est Dangerous la première, qui doit être Dangerous single, ouais, du coup. C'est ça. Ah, celle avec les trompettes en fait. Tout ah oui, oui. Mais moi je trouvais que c'était après les trompettes en fait que c'est parti en live en fait. Sur les trompettes, je trouvais que ça passait bien justement. Moi, j'étais pas convaincu au tout début, c'est pour ça que la progression de l'album et finir sur une bonne note. Ouais. Quelque part, il y a un peu de frustration. Du coup, I See You de The XX, bien mais peut mieux faire quand même. It's easier. Than talking it through. Test me, see if I stay. How could I walk the other way? Sur le groupe, quoi. On passe au portrait chinois? Allez. Alors, est-ce qu'il y a une thématique non, est-ce qu'il y a une thématique? Non, c'est une thématique lendemain de soirée, faut pas trop réfléchir, faut se faire plaisir. Ah, ça me plaît, ça me plaît bien. Est-ce qu'on a des interdictions? Non, c'est aucune interdiction. Ah, lui, il est cool. On peut pas répondre avec une chouquette dans la bouche. Il y a pas un gage comme ça. Ah, j'aurais peut-être un truc à vous faire avec une chouquette dans la bouche à la fin. Ça n'a jamais été fait. Vas-y, attends, chaud. Vas-y. Bon, d'abord, on va commencer sympathique. On peut pas commencer par la fin. Non, ça casserait le début du coup. Vas-y, je te laisse. Bon, tout simple. Alors, est-ce que vous avez une découverte tardive de 2016 que vous avez découvert entre les deux émissions? Ouais, il y a un groupe qui s'appelle Past, qui est un groupe bordelais de post-hardcore français. Très bien. Mais en gros, ce qu'il faut retenir, c'est que c'est un groupe. Ce que je trouve, c'est que c'est un groupe assez sympa, assez doué, qui peut aussi bien justement jouer avec les codes, les codes de l'émo, sont les rendre chiants, et c'est très très rare d'arriver à faire ça. Et j'espère en tout cas qu'ils pourront suivre la même route qu'un groupe qui s'appelle Birds in Row, qui a réussi, lui, à se faire signer chez un label qui s'appelle Deathwish, et label Deathwish qui est créé et dirigé par Jacob Bannon, le chanteur de Converge. Ah oui, d'accord, ok. Donc, une grosse référence. Donc, Past, qui a sorti un album, je sais malheureusement, là, comme ça, comme tu me prends dépourvu, je sais plus le nom de l'album. C'est le petit portrait chinois. Et voilà, mais il est, mais en tout cas, excellent et j'ai bien aimé. Voilà. D'accord. Donc, Past. Petite question, il chante en français ou en anglais? Alors, il hurle, donc, tu sais. D'accord. Non, alors, si, certains titres en français, certains titres en anglais, plupart en anglais. D'accord, ok. Donc, quel groupe hip-hop tu vas nous sortir, toi? Alors, en scratch, je viens de sortir mon téléphone pour trouver un truc vite fait. Ça va être... Ah ouais, une petite anglaise qui pose trop bien. Nadia Rose, elle s'appelle. C'est super cool. Un peu électro comme les Anglais peuvent faire, elle pose avec un bon accent cockney. Okay. Trop bien. Voilà. Quel type de musique, t'as dit? Bah, hip-hop. Hip-hop. question aussi. Alors, du coup, toi, j'imagine que si t'as posé cette question, c'est parce que t'en avais un. Non, en fait. Le mec n'a pas écouté le clip depuis 2015, quoi. Ça s'appelle comment? Ça s'appelle Carnival Youth. Et l'album s'appelle Propeller. Strange people drinking in shallow shores. sharks are getting closer, closer. Get through the day with no seagulls on bicycles, leading the way. Seagulls on bicycles. Et j'ai remarqué qu'ils avaient sorti un album en 2016, et qui est une belle surprise parce que les références, ça m'a fait penser à beaucoup de choses comme Avril Lavigne ou Queens of Stone Age par moment. Alors que ça n'a rien à voir dans le style, c'était plutôt indie rock, truc comme ça, mais. Mais en même temps, ça mélange pas chou bien les styles, mais ça s'écoute très très bien. Bon, allez, deuxième, voilà, c'est facile ça. Quel groupe vous attendez pour en 2017? Album. Album. J'en attends trois. T'en choisis un. Oh, t'es moche. Code Orange Kids, un groupe de hardcore, des gamins qui ont 23 ans et qui sont signés chez Deathwish aussi. D'accord. Et je pense que ça va être complètement déboîté. Ouais, tu te prépares une année bien bien calme encore. Ouais, c'est vrai. Tout ça pour un total de 800 décibels. Bon, du coup, Eric, tu as le droit de dire plusieurs albums si tu veux. Je m'en tiens à l'album triple parce qu'on vient d'annoncer là que Dylan. Et ouais, les mecs, pas que Dylan. Ah, Dylan. Dylan sort un album de reprise, un triple album de reprise de Frank Sinatra. Full moon and empty arms. The moon is there for us to share, but where are you? Ça va sortir courant 2017. Ouais. Et j'avoue que je suis très très curieux de voir ce que ça va donner. J'ai aussi un petit peu peur parce que les derniers vieux chanteurs avoir fait des albums de reprise ou un petit peu différents, bon ben. Bah, ils sont plus trop là pour en parler non plus. Donc... Il y a Patty Smith qui a fait un truc sympa il y a quelques années. Et elle est morte. Non, elle n'est pas morte, Patty Smith. Enfin, on ne tue pas Patty Smith comme ça. Elle ne mourra jamais. Elle ne mourra jamais. Et voilà, je trouve marrant qu'il ait choisi Sinatra. En même temps, c'est hommage à l'Amérique, comme Dylan conçoit l'Amérique. Mmh. Et ça risque d'être assez chouette à écouter. Surtout que triple album, on va en avoir pour notre maille, et ça, un triple album, ouais, t'as moyen qu'il fasse l'édition spéciale collector, avec livret photo. Et toi, Nox, qu'attends-tu? Moi, je pense que, j'espère que cette année, Feist va enfin revenir, parce que après tout, c'est la chanteuse, que ben, pour moi, c'est la numéro 1, et c'est la meilleure. History begins to be. Tellement phénoménale cette fille, quoi, parce que chaque album d'elle est génial, elle a l'intensité que beaucoup de chanteuses aimeraient, alors qu'elle n'a pas la meilleure voix, mais elle sait l'utiliser, l'instrumentation derrière est géniale. En plus, généralement, elle est toujours aidée par Brocal Chalcine, si je me dis. Si. C'est un truc, une sorte de collectif canadien. Et en fait, ils font plein de trucs ensemble. Ah, et... Broken Social Scene. Voilà. D'accord. Ouais, je comprenais pas ce que tu disais. Ouais, je suis désolé. C'est vachement. Ça fait dur à prononcer. Oui. Vous pouvez trouver tous les noms sur notre site internet. Voilà. je ne connais pas ce groupe, hein, quand même. Tu créeras le site internet. Hein. Ah, putain, encore. Non, mais c'est quand même. Enfin, voilà, si Face revient, je suis pour. Et il y a une chance qu'elle revienne ou ouais, c'est. Bah, ouais, je crois. L'année dernière, elle a un peu parlé de trois photos comme ça, qu'elle était en train de composer. Mais après, voilà, cette fille. Elle a tellement le bon système, c'est-à-dire je fais un album tous les 5 ans et je vous emmerde. Ouais, je trouve génial quoi, c'est juste ma musique, mon album sera génial, vous savez juste que vous allez devoir attendre. Elle avait fait un truc depuis 1, 2, 3, 4. Ouais, elle a fait Metals il y a. Ah deux ans, oui, Metals. Je crois que je l'ai pas écouté. Alors moi aussi, je suis passé complètement à côté. J'étais fabuleux cet album. J'étais resté sur justement 1, 2, 3, 4 qui est sorti il y a 6-7 ans quand même. Reminder, hein. Ouais, c'est ça. Et qui était bien cet album-là, pour le coup. Et ben moi, justement, avec le recul, je préfère le dernier, en fait. J'ai préféré la suite Overminder, finalement, le metal, si c'est coup d'une traite. Et Tite partait encore pour dire que Feist était vraiment cool. Il y a 2 ans, pour le Record Store Day, ils avaient fait un split CD avec Mastodon. Okay. Et Feist reprenait Mastodon, et Mastodon reprenait Feist. Effectivement, ouais. Et ça, je trouvais que c'était super cool. Bon, voilà. Yes. Dernière question. Allez. Quel groupe vous aimeriez voir en live en 2017? C'est celle avec la chouquette dans la bouche. Non, c'est après, il y en aura une autre bonus après que. Alors, attention, celle-ci, il faut un groupe qui soyez c'est comme des certitudes qui viennent, tu vois. Donc toi, pour toi, Eric, ce sera plus facile que pour Xavier et moi, parce que nous, on est plus limités à Lyon. Je vous ai montré ma liste de concerts la semaine prochaine, déjà. Je peux la jouer facile en disant que oui, j'irai voir des Inger Escape Plan cette année, parce que c'est la dernière année qu'on pourra les voir, vu qu'ils arrêtent complètement. Voilà, et j'ai de toute façon déjà pris mon billet, donc voilà. Dillinger Escape Plan. La seule certitude concert que j'ai vraiment, et ça dépend même pas de moi finalement, c'est Renaud à la fête de l'humain. Petite chanson désabusée, un peu triste, pardonnez-moi. Tu ne sais pas toujours pourquoi le désespoir tombe sur toi. Ah, il a été annoncé il y a déjà 2 mois. Enfin, il y a, pour une fois que l'UMA, enfin, j'imagine qu'ils ont dû négocier en avance à base de on te signe, on te prend et tu t'engages à ne rien prendre pendant un an encore, histoire d'assurer ta date. Du coup, fête de l'UMA, les vrais savent, j'y serai comme d'habitude, camping, première allée sur la gauche, Renaud tous ensemble. À côté de la buvette à la droite. Mais non, mais c'est un truc excellent, enfin, c'est Renaud à la fête de l'UMA, c'est un rêve de gamin, enfin, c'est plein de choses qui. Ça va être, je pense que lui va être vraiment touché parce que c'est une fête particulière pour lui, et c'est toujours une date particulière pour les artistes estampillés de gauche ou assimilés, même s'il n'est plus peut-être de gauche complètement. Mais... Oui, je pense qu'on s'en fout maintenant. On s'en fout. Il y a Johnny qui est passé il n'y a pas si longtemps. Il y a 20 ans. Il y a 20 ans. à l'époque, il y avait encore des logos TF1 à la fête de l'UMA. Ouais, voilà. Renaud, fête de l'UMA 2017. D'accord. Moi, je pense que ce sera. Sans aspect musical, juste parce qu'en live ça déboîte, je pense que ce sera Arcade Fire. I give you power over me. I give you power, but I gotta be free. I give you power, now I say. I can't watch you take it away. S'ils arrivent, enfin, si je me demande, c'est ils arrivent, parce qu'ils ont déjà annoncé à quelques festivals, mais. Donc voilà, Arcade Fire en live, c'est toujours un bon cru. Ils sortent des trucs nouveaux aussi cette année Ouais, ils ont sorti un titre, hélas. Hélas. J'ai décrit un peu plus tard pourquoi du comment. Mieux que les Suburbs ou moins? Ah non, les Suburbs étaient bien comparé à. Ah pardon? Ah non, excusez-moi. Les Suburbs étaient géniaux. Celui d'après, il est un peu moins bien. Les Suburbs, c'était pas bien. On va créer une rubrique vite. On va lancer un hashtag. Non, mais sérieusement, les Suburbs, il est super bien veillé. Il s'écoute super bien. C'est celui qui écoute le mieux d'Arcade Fire, le plus facile d'accès. Ouais. Bah écoute, oui, non. Après, mais... je parlais à Capac avec du hip-hop. Bon, mais vas-y, fais du bruit là. Prenez votre chouquette pour la question, répondez avec une chouquette dans la bouche. Attends. Voilà. Vas-y. Faut bien prouver qu'on a vraiment des chouquettes. Voilà. Tu manges ta chouquette et je te pose la question. Vas-y. Okay. T'es prêt? Ouais. Trouve-moi une chanson qui parle de sexe. Putain, il y en a plein. Mais... Bah vas-y. Ok, pourvu qu'elle m'aime de Booba. Et toi, Nicky? En moi? Let's go outside de George Michael. Ooh, outside of what? Let's go outside. Pour moi, ce sera Milkshake de Kelly's. C'est bien avec la chouquette. Milkshake de Kelly's, oh là là, oui, c'est drame. Dans le genre explicite, c'est explicite. Ouais, c'est clair. Bon, on se la met. On se la met, on se fait une pause et on revient après. Allez. Ça fait longtemps que j'avais pas entendu ce milkshake. Ouais, ça fait super longtemps. Et c'est pas mal. Ah, mais je vais l'avoir dans la tête toute la semaine, c'est sûr. Là. On va passer au débat thème du mois. Je sais, du coup, chaque mois, on essaye de trouver un truc dont on va parler. Un truc à peu près intéressant pour nous, hein, pour vous, c'est merdé. De toute façon, personne ne participe d'autre à part nous. Voilà, ouais, donc c'est ça. Et on s'est posé la question sur, en 2017, comment les artistes diffusent leur musique. Eh oui. Voilà, d'abord, parce que d'abord, deux chiffres pour un peu montrer notre réflexion par rapport à cette question-là. En 2015 a été la première année où le chiffre d'affaires généré par la musique numérique, enfin, que ce soit le streaming ou la vente sur iTunes, etc., a dépassé le chiffre d'affaires des ventes physiques, de CD, de vinyle, etc. C'est la première année 2015 où ça a dépassé. Et le deuxième chiffre à savoir, c'est que en 2016, 28 milliards de titres ont été écoutés sur les sites de streaming en France. 28 milliards en France. Sachant qu'en 16 milliards avant. Voilà, c'est ça. Sachant qu'en 2014, il y en avait même pas un tiers. Donc le chiffre a complètement explosé. Putain. Voilà. Donc, ce qu'il faut voir, c'est que le déclin du CD, de manière générale, accompagne la chute de la prédominance des leaders d'opinion que constituaient les radios, les télés, les magazines spécialisés. La donne, elle a changé. Du coup, maintenant, il faut pouvoir sortir son épingle du jeu. On observe maintenant deux tendances. L'une qui est plutôt du néo-rétro, avec le retour du vinyle et l'évolution du support physique de manière générale. Et la deuxième, c'est des modes de diffusion alternatifs qui utilisent les ressources d'Internet. Dans un premier temps, là, on va parler un peu du renouveau du vinyle. Déjà, juste en préambule, est-ce que vous consommez de la musique en vinyle? Je suis plus un fan du CD, moi, personnellement. Je suis comme t'es un grand amoureux du CD. Vinyle, un peu moins, c'est plus pour l'objet, en fait, le vinyle. Moi, m'acheter un truc en vinyle, parce que c'est une sortie vinyle, je préfère payer la moitié moins cher et avoir une bonne qualité, ça me suffit amplement. J'imagine que je suis un peu dans le même cas de figure que toi, dans le sens où j'achète du vinyle pour l'objet. Après, j'imagine qu'avec une installation sonore de qualité et d'utiliser le vinyle en tant que support, mais aussi pour l'authenticité du son, si le son a été enregistré sur vinyle directement, etc., c'est quand même important de pouvoir retranscrire cette écoute-là de cette manière-là. Enfin, c'est de rendre au plus fidèle possible avec les défauts du son que ça peut occasionner, etc. Donc, je suis moins partisan du vinyle marketing, on va dire. Éditions limitées, où pour le coup, ça me tire moins. Mais le son est très compressé sur le vinyle, justement. Exactement, et qu'il n'y a pas... Voilà. Finalement, c'est vraiment pour le coup, purement pour l'objet et pour gonfler un peu les ventes physiques. Mais j'ai l'impression qu'avec le vinyle, il y a quand même une sorte de sacralisation de l'écoute de la musique. Parce que justement, on va dire, pour écouter du vinyle, il faut que tu aies une installation qui vaille le coup. Que tu achètes du vinyle, que tu l'installes et que tu le passes. Et le fait que tu dois te poser, parce que du coup, tu es dans une pièce particulière, à contrario complet, justement, de la consommation plus moderne, qui est j'ai mon morceau partout, tout le temps. Quand je suis dans le métro, quand je nage, quand je cours, je m'en s'en fous, quoi. Voir des bouts de morceaux, voir des albums que tu vas écouter, comme certaines personnes, trois chansons avant de passer à l'album suivant. Ouais, voilà, ouais. Comme on dit des saloperies sur moi. Et puis le vinyle, faut se lever à moitié de l'album pour changer la face du vinyle aussi. C'est ce qui est très très chiant. Par contre, c'est le plus possible que le vinyle, je pense. Ah, ou alors, faut une belle installation vraiment qui te fait un jukebox. Ouais, c'est que ça jongle, tu sais. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que déjà, on le voit rien qu'avec des événements type Record Store Day où on voit pas mal d'éditions de vinyle. Même s'il n'y a pas si longtemps, le vinyle était porté disparu, à part dans les bourses de collectionneurs, t'en voyais pas. Et là, maintenant, la plupart, même dans les distributions indépendantes, il y a pas mal d'artistes qui ne diffusent quasiment. En gros, c'est le combo MP3 et vinyle. Quitte à faire du physique, je m'emmerde pas à faire du CD, je fais du vinyle. Sachant qu'en plus, les premiers utilisateurs des vinyles, c'est-à-dire les DJ presque, quelque part, ont eux aussi adopté à un moment, sont peut-être maintenant en train de revenir justement aux techniques. Des techniques et d'utiliser des vrais vinyles et des vrais de retrouver un peu le travail d'aller gratter chez les disquaires indépendants, etc., pour retrouver des mix intéressants et un peu laisser de côté les versions électroniques de leurs mix. Mais c'est vrai que pendant un long moment, ces utilisateurs-là n'étaient plus là parce qu'ils ont d'abord vu le confort d'accès à beaucoup plus de titres, à la recherche sans avoir besoin justement d'aller fouiller dans les bacs, etc. Puis t'as les platines digitales aussi maintenant en plus. Exactement. Oui, qui te permettent d'un peu d'aller dans tous les sens alors qu'avant c'était... Et concrètement, c'était quand même ces mecs-là et qui étaient les ambassadeurs du vinyle, en tout cas dans les années 90, etc. C'était surtout eux qui amenaient la consommation de vinyle, c'était surtout ça qui attirait les gens vers l'objet vinyle. Enfin, je crois, en tout cas, ça participait beaucoup. Ce retour, il se traduit aussi en chiffres. Enfin, en tout cas, il se traduit en thunes, pour être plus exact. Parce qu'aux États-Unis, États-Unis en 2015, le chiffre d'affaires du vinyle, c'était le chiffre d'affaires du streaming. Ah oui, d'accord. Ouais. C'est quand même gigantesque. Ah ouais. Oui, oui. Non, mais c'est de la folie. C'est des chiffres de la RIA, et en général, c'est bon, ils sont assez béton sur leurs chiffres. vu comme ils sont assez béton pour aller chercher leurs royalties quand il le faut. Béton, hein. Moi, États-Unis et béton dans la même phrase. Tu veux dire Mexique et béton dans la même phrase. Voilà. Et au Royaume-Uni, le vinyle, cette année, en 2016, a dépassé le téléchargement légal, en fait, en niveau de revenu. 200% en plus, et le téléchargement légal, moins 200%. Donc ça revient complètement, complètement dans le jeu. C'est quoi. Ça. C'est ça. Au UK, t'as une vente historique de vinyle. Ils n'ont jamais autant vendu de vinyle depuis 1991. On sait un peu quels styles sont privilégiés dans les achats vinyle. Alors, pour le UK... Ouais. Ce qui a boosté beaucoup les ventes de vinyle, c'est les morts. Bowie, Prince, George Michael. Voilà. I'm in prevention of, in other words, sorry, I mean everything called off. I grew up on this, if so, then you can get up a rock and a kiss, come here. Voilà. Non mais c'était les trois premiers, Bah ouais, c'est tristement logique, mais oui. Du coup, on en revient quand même à des ventes d'albums historiques qui privilégient la qualité originale du son, l'esprit, etc. Plutôt que des nouvelles productions qui vont être... adapté au vinyle. Mais du moment que t'as le mono, tu sais que c'est le mix original. Moi, c'est le vrai son et tout comme ils l'ont voulu, c'est pas un truc remasterisé. Hein. Voilà, et puis la plupart des gens qui sont fans de Floyd sont fans de son de manière générale, mais je sais que les rééditions des Pink Floyd pètent des records assez violents. Que par exemple dans des pays comme le Japon ou les États-Unis et certains pays européens, notamment du nord de l'Europe, il y a des ventes numériques qui sont phénoménales. Et on se détache pas mal du physique. Et alors qu'en France, on a quand même encore le côté, ça en vend moins, mais on va dire que tu as quand même tout ce qui est variette. Ouais, écoute, j'avais regardé un graphique sur des ventes de CD qui montre clairement que c'est clair qu'il y a une chute ces dernières années. Ouais. Mais c'est pas une chute concrète, en fait. C'est quand même plutôt des vagues, tu vois. Et j'ai un autre fait intéressant, c'est qu'en fait, en France, le streaming, enfin les tops de streaming en France, les 20 artistes les plus écoutés, t'en as 18 qui sont français aussi. Donc du coup, t'as quand même en France, c'est quand même, le streaming, il y a quand même des bons, de bons côtés, parce qu'il y en a à côté. On consomme plus de chansons françaises, ce qu'ils ont essayé de faire pendant une quinzaine d'années, avec tous leurs trucs, avec les lois radio et tout. Et d'un coup, comme par hasard, maintenant, du coup, la musique française revient sur le devant de la scène. Donc c'est quand même assez cool, quoi. Bah justement, dans tout ce marché, justement, là, Eric parlait de la manière dont les artistes doivent se débarquer pour essayer d'abord d'attirer un nouveau public pour les amener à des ventes physiques ou numériques. Et aussi de s'affranchir justement des problèmes de rémunération liés aux plateformes de téléchargement, et donc de réduire les intermédiaires en fait entre l'artiste qui produit son son et l'auditeur qui va écouter son son. Finalement, si on calcule bien, on doit être à quoi 5, 6 étapes avant que le son arrive effectivement dans les oreilles du consommateur, pardon, du fan, de l'acteur. Oui, non, mais. Enfin, de toute façon, depuis tout à l'heure, je sais pas, moi je parle de chiffre d'affaires, je parle d'industrie, oui, on peut dire consommateur. On est complètement bon. on peut y aller. Hein. Parce que, et puis tout à l'heure, je disais en mode de consommation de la musique. Ouais, c'est moche, ça fait moche comme ça, mais bon, c'est. C'est comme ça que ça. Ça va clair du temps, hein, parce que des Spotify et tout. C'est complètement ça. Tu parlais justement de s'affranchir des étapes entre justement la création et l'auditeur. Et je pense que le moment qui est vraiment où la plupart des artistes et l'industrie musicale a pris conscience de ce problème-là, c'est le jour finalement où Radiohead a sorti In Rainbows en 2007. Arrivés, ils ont dit, voici notre album et il est en pay what you want, c'est-à-dire qu'ils le mettaient en téléchargement gratuit et les gens pouvaient payer s'ils voulaient. Et l'année suivante, Nine Inch Nails a fait pareil avec l'album Sleep. Björk n'avait pas fait pareil aussi. Björk, tout le monde s'en est branlé. mais c'est vrai. Et puis Radiohead aussi, ils avaient fait le truc aussi, si tu achètes l'album, par contre, t'as un album bonus. Qui ? Dans Radiohead, dans In Rainbow, justement. Oui, c'est ça, ouais. Donc ouais, il y a quand même un truc, en plus, on vous donne, mais on vous donne pas tout, quoi. Voilà, exactement, ouais. Et du coup, mais c'était... Il me semble, la première tentative d'un gros artiste de se dire je m'affranchis complètement de l'étape maison de disque, enfin même s'il est sorti en maison de disque en même temps en album, il a été pressé, édité, donc forcément... Je crois que c'est 3 mois plus tard qu'ils l'ont sorti. Hein. Ouais. Il me semble que c'est après, ouais. Alors que par exemple, The Sleep de Nine Inch Nails, il est pas trouvable en dehors. Il me semble, alors je dis peut-être une connerie, il faut voir avec les gros fans de Nine Inch Nails qu'on connaît nous, mais il me semble qu'il est sorti qu'en numérique, je crois qu'il est même sorti en licence Creative Commons, enfin c'est un, mais en même temps, c'est un grand taré. À ce niveau-là, c'est un grand dingue. Voilà, et du coup, et c'est la première, justement, et ça a occasionné un grand débat dans quasiment, vers tous les artistes, tout genre confondu, sur la manière de se rémunérer, sur le diktat des maisons de disques, sur est-ce que les maisons de disques avaient encore une raison de contrôler autant le marché qu'ils le faisaient à l'époque. Et je pense que ça a été un peu un acte fondateur, au moins parce que pas forcément que les artistes ont changé de manière radicale leur manière d'approcher, mais ils ont vu qu'il fallait s'adapter à des nouveaux modes de consommation, comme je disais, et s'adapter aussi réduire en fait le nombre d'intermédiaires pour pas être dans une bulle en fait en termes de création artistique. Ce qui est intéressant, c'est que les artistes qui s'y intéressent sont en plus pas forcément des artistes qui ont besoin de capter un nouveau public. Où il y a beaucoup de monstres de la musique. Alors, Radiohead, c'est typiquement l'exemple. Ouais. Et je repense à l'album de Metallica dont on a parlé dans l'émission précédente. Ouais. Qui et Metallica s'est longtemps engagé dans la lutte contre le téléchargement, le piratage. Ah, l'affaire Napster, avait des idées c'était très, quelque chose. Ouais. Très arrêté sur les nouveaux modes de consommation de la musique. Oui. Les ayants droit. Et chose très étonnante, Metallica a donc lâché son album sur Internet la veille de la sortie sous forme de clip, puisque tous les morceaux de l'album sont clippés. Parce que concrètement, ça veut dire que tu peux écouter de la musique en avant-première. En bonne qualité, parce que les clips sont officiels, parce que le mix est bien fait, etc. Donc, confort visuel de génial, sans même forcément avoir besoin d'acheter la galette à aucun moment, parce que tu peux complètement juste voir la musique de manière visuelle, et eux insistent là-dessus. En plus, leurs clips sont sont plutôt basés sur des tranches de vie, donc assez immersifs, et font office de documentaire, et en même temps de parti pris, dans la construction de l'album, ça te donne l'impression de faire partie de ce truc-là, tu te sens concerné par ce qu'ils écoutent, et c'est hyper malin de leur part, et en même temps c'est surprenant, pourtant ça marche bien, et je pense que Metallica a gagné pas mal encore d'auditeurs, en 2016 juste en faisant ça. En le diffusant de manière moderne, en tout cas. Exactement. Copiant Beyoncé. Mais ils n'ont pas pris la même tenue, par contre. Ça aurait été beau, Metallica en tutu. Heureusement. Dans les Metallica en tutu, ça fait un mythe, après. Ouais, je suis pas curieux à ce niveau. Ouais, j'ai une question. Est-ce que vous pensez que l'annonce de Kanye West l'année dernière de dire que Life of Pablo le sortirait seulement sur Tidal et pas en physique et tout, est-ce que cet avis, ça a changé un peu le monde de la musique? You gotta let me know if I could be your Joseph. Only tell you real shit. That's the T, no sip. Don't trip, that pussy slippery, know it. We ain't trippin' on shit. We just sippin' on this. Just forget the whole shit. We could laugh about nothing. I impregnate your mind. Let's have a baby without fucking yo. I know it's corny bitches, you wish you could unfollow. I know it's corny niggas, you wish you could unswallow. I know it's corny. Moi, je pense que ça a pu jouer dans le sens où, en tant que pur consommateur de musique de hip-hop et de mainstream quand il faut, ça m'a fait chier à l'époque de ne pas pouvoir y avoir accès directement, comme ça m'avait fait chier au moment où le Frank Ocean est sorti sur Apple Music, ouais, d'accord, ouais. En exclu, etc. Ce qui m'a embêté avec... après on connaît Kanye West, ouais, ouais. Et sa mégalomanie et son envie de ne pas faire comme tout le monde, mm-hmm. etc. Et de considérer que tout ce qu'il fait et tout ce qu'il peut penser est la chose la plus intéressante au monde. Même si des fois il a pas tort là-dessus. Ouais. Moi, ce qui m'embête, c'est justement ces histoires d'exclusivité. Ça me fait un peu penser justement aux guéguerres Sony PlayStation, Microsoft Xbox One. Moi, j'ai mon exclu avec Life of Pablo. Moi, Apple, j'ai mon exclu avec Frank Ocean et puis avec d'autres choses. Et tu dis merde, maintenant en fait, est-ce que je dois avoir toutes les consoles pour jouer à tous les jeux? Et donc, est-ce que je dois m'abonner à toutes les plateformes de streaming pour avoir toutes les musiques que je veux? Et est-ce que vraiment c'était dans l'intérêt des consommateurs? Ouais. Il y a quelque chose de grisant d'être considéré comme client exclusif aussi. D'avoir droit en avant-première, et ça fonctionne aussi à l'inverse, tu vois. Et je peux revenir à l'album des Nekfeu. Oui. Est-ce que tu t'es déjà fait rabaisser par celle que t'aimais secrètement? Gentil en privé mais devant les gens cruels et légères. Est-ce que t'as déjà tapé quelqu'un juste pour qu'on te respecte sans excuse? Est-ce que t'as déjà regretté au point de bégère? Est-ce que tu t'es déjà dit faut que je me secoue, j'ai plus 16 ans, n'être plus qu'une âme perdue, errer, éroder des heures, voir un mec... Oui. Qui du coup a été publié en plein milieu du concert, donné à Bercy. Ouais. Plein milieu du concert, là, ils ont dit... En fait, tous les spectateurs qui étaient présents au concert ont reçu un texto, genre après une heure et demie de son, ouais. ont reçu un texto à base de, voilà, le lien de mon nouvel album qui avait été tenu secret à tous les niveaux. C'est énorme, ça. Et il y a 15 000 personnes qui se sont retrouvées comme ça, donc sur les 15 000, il y en a peut-être avec un tarif intéressant, ouais. etc., avec juste un lien de téléchargement, hein, pas de redirection vers tel ou tel site de distributeur. Se sont retrouvés donc avec, je sais pas, moi, il y a peut-être eu la moitié des gens présents à télécharger immédiatement l'album. Forcément, ça a fait traîner de poudre sur tous les réseaux sociaux, etc. Ce qui fait que l'album est encore dans les classements des ventes d'albums, alors qu'il est sorti il y a un mois et demi, deux mois, là-bas. Il y a Run the Jewels aussi qui a sorti leur album le lendemain de Noël. Jelly won't snitch. I rent a room at the Ritz. I sip a fifth of the whisk. I smoke a dub in the tub. Then I was split on my wrist. I pull a sword on you since, just for the flick of the wrist. Get your neck given a miss. Me and my skip away whistling and grin. Every day's golden when you only win. Et après, par contre, du coup, l'édition vinyle, je sais pas si ça marche aussi avec l'édition CD, rempli de bonus en fait, où tu dois mettre ton smartphone et t'as des trucs interactifs qui apparaissent selon où tu mets sur le vinyle et tout. Et ça aussi, c'est un truc pas mal, quoi, parce que du coup, ça permet de dire t'as l'album gratuit, tu vends plus des trucs en plus, qu'ils ont l'air vraiment dans le truc, on est à fond avec nos fans et tout, c'est vrai que ça donne une raison de plus d'acheter le support physique, enfin, pour moi, c'est mon avis, quoi, mais je trouve que c'est pas mal, quoi, justement, ces trucs qu'ils font, tenez, il y a plus que la musique, ils ont le truc un peu à part, comme ça, en plus, le reste de Kanye West, au final, hein. Le dire, le CD ou le vinyle, c'est mort, c'est dire, non, tenez, on va faire un truc en plus, pour que vous ayez vraiment un objet original là-dedans, quoi. Ça n'a rien à voir avec la musique au final. Non, mais c'est pour ça, c'est pour ça la vision intéressante du fait. C'était pour ça aussi qu'on voulait parler en même temps et du retour du vinyle et du succès en fait de tout ce qui est immatériel, du coup, de tout ce qui est streaming, tout ce qui est. Et même, d'ailleurs, il me semble que les ventes en téléchargement sont en forte baisse. En forte baisse parce que le modèle du titre à 99 centimes a vécu. Messieurs, qu'est-ce que quelqu'un a quelque chose à rajouter ? Je dis à peu près tout ce que je voulais te dire, il me semble. Vive le CD. Je dirais ça. Ouais, ça marche. Ça marche. Et ben, du coup, je laisse la main à Nox. Est-ce que tu as une petite dernière news avant de partir ? Ouais, une petite dernière news. On va sûrement la balancer la vidéo avant l'émission. Donc, est-ce que vous avez vu VRWS à Cœur Chaud chez Letterman ? Donc, ils sortent un nouvel album en février, ces petits branleurs. Il y a déjà eu un titre de dispo ? Il y en a eu 3 ou 4 même déjà de dispo. Ça s'annonce très bien en fait, hein, parce qu'ils changent de producteur à chaque fois. En fait, le deuxième album était produit par David Sitek, je sais plus ce que c'est son nom. Celui Dave Sitek. Dave Sitek, voilà, qui a produit TV and Radio et tout, etc. Donc, le deuxième album était pas mal du tout. Et celui-ci, il a été produit par Jim Abyss. Vous allez dire, mais c'est qui Jim Abyss ? Voilà. Jim Abyss a produit le premier Arctic Monkeys, les deux premiers Casabian, a produit Adele. Et donc, le premier Arctic Monkeys ? Ouais. C'est bien, c'est le meilleur Arctic Monkeys. C'est Favorite of Worst Nightmare, c'est ça ? Non. C'est quel Favorite of Worst Nightmare ? Encore, toujours le moment où on se souvient pas des noms des albums. Celui où il y a I Bet You Look Good on the Dance Floor. Exactement. Donc l'album, c'est... C'est le deuxième alors. Ah, le deuxième ? Bah, c'est, je sais pas, Favorite Worst Nightmare. C'est le deuxième. Ah, c'est le deuxième alors, c'est le deuxième qui l'a produit. Ah, j'aime moins. Moi aussi, je suis moins fan. Dommage. Le premier, il est vraiment très très bon. Ouais. Mais vraiment. Ouais, oui, je suis d'accord, oui. Ouais. Mais revenons sur le VRWS. Donc, les 4 extraits, les 4 chansons s'écoutent très très bien. On va dire que le seul souci, enfin, pas dire un souci, c'est ça ressemble beaucoup aux Pixies. Mais ce qui est bien, c'est que le 19 même, ils disent, derrière le quatrième extrait, ça s'appelle Black Francis. Ils ont dit, le gars, on a tellement volé ses trucs pendant des années, il était normal qu'on lui rende hommage à un bout d'un moment. Bien, j'espère qu'ils ne feront pas des concerts dans 20 ans juste pour gagner des pépettes. Hein. C'est clair. Sinon, non, bah, ça après, sera ouais. vraiment fouteux. Avec un guitariste obèse. Ouais. Dans le temps, ce groupe, hein, je pense qu'il joue vachement sur l'aspect sex, drugs et rock'n'roll. Hein. L'aspect drogue qu'on a vu, l'aspect sexe, il est vachement dans leurs concerts. Sur leurs concerts, c'est un truc de malade. Bah, là, il a fait l'amour au parquet. Hein. Moi, je m'en fous que le rock'n'roll, du coup, là, pour ce groupe. Non, mais voilà, mais les chansons s'écoutent très bien. Ça fait très rock américain, ce qui leur manque un petit peu. Je pense qu'ils sont en train de rechercher... des groupes de rock vraiment rock et tout, qui ont l'image du comme ça, ou c'est un peu la débauche à Guns N' Roses, qui sont plus depuis je sais pas combien de temps. Et donc voilà, et je pense que c'est pour ça que ce groupe a un succès de fou en Angleterre, aux États-Unis et tout. L'occasion de rappeler quelque chose de très important, Guns N' Roses, c'est de la merde. Voilà. Merci. Mais de rien, c'était un merci, plaisir. Merci, Jacques. Bon, allez, moi je vais parler du Lollapalooza. Lola qui ? De quoi ? Mais le Lollapalooza, mais oui. Alors, le Lollapalooza, c'est un festival annuel américain créé par un dénommé Perry Farrell, qui est le chanteur de Jane's Addiction. Et là, tu dis, c'est qui Jane's Addiction ? C'est un groupe, non, c'est un groupe. Si tu connais, c'est bien. Si tu connais pas, eh ben, Google est ton ami. Ouais. Et puis, voilà. Il y avait Dave Navarro dedans. Et puis, on n'a plus aucune raison de te parler, de toute façon. Mais, alors, rien à voir avec Jane's Addiction, mais le Lollapalooza, c'est devenu un événement incontournable de l'été américain. Depuis les années 90, ça s'est d'abord voulu comme un festival indépendant. Pour au final devenir une grosse machine, comme toutes les autres. Hein. C'était pas un festival itinérant au bout d'un moment ? Ça a été aussi. Il y a eu plein de formules. Mmh. À un moment, ils sont même arrêtés pendant quelques années. Ils ont repris là, dans les années 2010. La formule s'est internationalisée, d'abord en Amérique du Sud, puis en Europe. L'année dernière a eu lieu le premier festival Lollapalooza Europe à Berlin. Yeah ! Voilà, Berlin. Et cette année, du très coup... Très jolie ville, d'ailleurs. Ouais. Très sympa. J'ai entendu parler. Voilà. Et cette année, du coup, on a deux éditions en Europe. Une encore à Berlin, de nouveau, et une à Paris. Très jolie ville, Berlin. Okay. Très, très sympa. Putain. parler. Voilà, donc c'est, du coup, le Lollapalooza, première édition du Lollapalooza à Paris cette année, je crois que ça sera en juin. Ouais, pas de conneries. Fin juillet. 22-23 juillet 2017. 22-23 juillet. Le festival qui se rajoute quand même à la liste désormais longue des festivals parisiens. Mm-hmm. Il fut un temps où il n'y avait que les Solidays et, un peu Rock en scène. Maintenant, du coup, on a Solidays Rock en scène, Lollapalooza, le Download, le Wheel of Green, le Weather Festival. On en a un, le Pitchfork, non mais on en a une tapée. Hein. Donc ça commence. J'ai l'impression que faut voir, mais faudra voir ce que ça donne. Mais en termes d'offres, ça commence vraiment à être. En plus, t'as le Download, truc comme ça aussi. Hein? T'as le Download aussi, non? Oui, j'ai dit le Download. Excuse-moi, je m'entends. Il y a du très très bon en plus dans la programmation. Donc du coup là, alors ce que j'ai retenu pour la programmation de cette année sur deux jours, 47 artistes. Les têtes d'affiche, ce sera Red Hot, The Weeknd, Imagine Dragon. Lana Del Rey. Ensuite, derrière, on peut avoir du London Grammar, du Algie. Les Pixies, encore et toujours. Oui. The Roots, c'est cool. Liam Gallagher, je me demande bien ce qu'il va faire. Ça t'a pas fait halluciner, ça? Si, non, mais je sais pas. Le truc, c'est que je sais pas, parce que comme il fait plus BDI, du coup, je sais pas ce qui est apparu tout seul. Donc, il a quitté, il a rompu le groupe, en fait. Ouais, du coup, je sais pas ce qu'il va jouer, en fait. C'est peut-être la reformation. Et si c'est la reformation, je vous l'annonce aujourd'hui en avance, c'est la reformation. Si c'est la reformation, ça, j'y crois pas trop. On sortira. Voilà. De toute façon, je n'ai pas grand chose à perdre. Voilà. Et c'est aussi The Hives, ça fait toujours plaisir de voir The Hives. Bon, alors à côté de toutes ces grosses têtes d'affiche, t'as aussi quand même pas mal de chiasse électro, type Martin Solveig. DJ Snake. C'est vraiment parce que. Il y a C60. Algie, c'est pas mal. Moi, j'aime bien. Moi, j'ai du mal, mais c'est bon. Il n'y a pas C60? Si, il y a grave C60, c'est vachement bien. C60, c'est énorme, c'est vrai, quoi. Oui, non, mais par exemple, des trucs comme Tom O'Dell, ça me fait bien chier. Voilà. Déjà, le London Grammar aussi, c'est pareil. Hein. C'est largement pour satisfaire tout le monde. Voilà. Le seul problème, c'est le même problème que le. Enfin, il y a le même problème que le festival Lollapalooza à Berlin. Ouais. 150 balles pour deux jours. Ah ouais. C'est quand même extrêmement cher. Alors, ok, les noms sont sympas, mais c'est extrêmement cher, quoi. Non, mais c'est clair. C'est vraiment très mal. Et c'est la même affiche à Berlin ? Non. À Berlin, t'auras les trois têtes d'affiche à Berlin, c'est Foo Fighters, Mumford & Sons et The XX. Faut voir deux choses, hein, c'est qu'on a quand même, on est beaucoup plus calqué sur les têtes d'affiche américaines à Berlin. Le festival à Berlin, en plus, il est en septembre. Voilà. Et la grosse différence aussi, c'est qu'il y a beaucoup plus d'artistes locaux à Berlin qu'en France, pour le coup. À Paris, en gros, j'ai vu qu'il y avait juste La Femme et IAM, et puis deux, trois autres trucs derrière. Je trouve dommage quand même le Palazzo, tu vois qu'il y a quand même un problème au niveau de la production française pour s'intégrer à des grosses affiches internationales comme ça. Des groupes comme par exemple PNL, toi, ils auraient eu leur place sous dans ce festival. Si tu crois que PNL veut arriver dans un festival comme ça au milieu d'autres gens, bah, ils vont bien coacher là. Quand même d'être coaché là. C'est quand même énorme, quoi. Oui, mais c'est toi qui en as parlé la dernière fois. Oui, mais c'est aux États-Unis. Du coup, je comprends plus le trip. Ouais. PNL à Paris, ils vont pas partager l'affiche, tu vois. Et c'est vrai qu'on s'en fout de PNL de toute façon, même si. Voilà. Donc j'ai envie de dire un festival de plus, à voir si ça va perdurer. J'ai quand même des doutes par rapport justement à l'embouteillage que je mentionnais au début, avec un nombre quand même qui devient hallucinant de festivals à Paris, et à un prix qui est vraiment prohibitif, mais bon. En même temps, vu les têtes d'affiche, tu sais que rien que les Red Hot tout seul, t'en as pour à peu près la moitié de ça. T'en as pour 75€ la place pour voir que les Red Hot. Donc pour voir un festival avec les Red Hot, oui, ça m'étonne pas que ça douille, mais quand même. Ouais, mais ça peut valoir le coup de souscrire un emprunt. Hein, franchement, moi je trouve, honnêtement, les têtes d'affiche de ce festival, même l'affiche du festival comparé à d'autres qu'il y a en France, mais... Ah, je trouve qu'elle fait pitié, ça déroule pas à l'autre. Vous étiez vraiment à fond, moi je trouve qu'elle est nulle, quoi. Bah, Nul. Tu regardes les autres, putain, tu vois les autres têtes d'affiche qu'il y a dans d'autres festivals, ça n'a rien à voir quand même, c'est comme plus du gros quoi. Après, j'imagine que pour tous les groupes qu'on connaît pas, ouais, y a moyen que la sélection soit quand même assez drastique et permette, ouais, justement des belles expériences de concert sans, mmh, forcément qu'elles soient attendues. Mmh. Parce c'est que sur ça que je miserais, moi. Mais, par exemple, alors je sais que bien, ça, c'est un truc que tu auras du mal à admettre, toi, Nox, mais par exemple, entre un festival qui mettra du Arcade Fire et un festival qui mettra London Grammar, il y aura plus de gens qui iront voir London Grammar. T'es sûr de ça? Ah, en France, certain. Ouais, je pense aussi. En France, ouais, certain. You can try to get close to those alone. You're made of. Only now do I see the big picture, but I swear. Mais alors, mais sans aucun problème. Là, je peux miser tout ce que tu veux en France. D'accord, non, mais je c'est ça le truc. Ouais, c'est... Non, enfin, London Grammar, ça cartonne à un point en France, c'est quand même assez, ouais, hallucinant. Ouais, c'est vrai que moi, je pensais pas forcément à Arcade Fire et tout, mais moi, je trouve qu'en fait, c'est The Weeknd en fait, qui me gêne dans la tête d'affiche. Parce que même si la musique est bien, c'est pas. Après, voilà, c'est de la musique, tu dis, putain, c'est la tête d'affiche, faut que ça tue, quoi, en live, faut que ça bouge. Et c'est un truc qui est un peu calme, justement, comme VXX, tu dis qu'en tête d'affiche, ça bougera, hein, en live. Bah, The Weeknd en live, ça bouge. Bah, ça va être calibré pour la scène, quoi, ça va être. Ouais, mais après, si la musique derrière son. Calme et tout, tu peux pas d'un coup changer, ouais, ça en truc qui bouge, tu vois, c'est un morceau. Bien sûr, mais il est suffisamment gros pour pouvoir proposer quelque chose, même si c'est calme, ça va être bien foutu. Enfin, ouais. J'ai aucun doute sur le fait que ça va mal foutu. Soit dit en passant, The XX est en tête d'affiche du Lollapalooza à Berlin. Je pense c'est pour ça que je dis sans aucun problème. Et je pense que voilà, ça va le faire. Je pense que je m'inquiète pas trop pour eux. Surtout, ils ont maintenant l'expérience du live, The XX. Et alors, et toi, Eric, c'est quoi ta news? C'est un petit délire, c'est un truc qui m'a bien fait, plaisir. Un mec qui, alors, c'est un rappeur qui s'appelle Prince Wally. Que le slip de Kevin Costner mis aux enchères, crépu comme James, barbu comme Lincoln. À cause de Levinsky, il ne parle plus à Clinton. C'est con, ils avaient de grands projets ensemble. Comme ouvrir un bordel présidentiel dans le centre. Tu vois le genre de fumier qu'on sent venir à des kilomètres à la ronde. Développe ton flair à la seconde. Si tu veux dealer de la drogue, faut soudoyer une mère. Si tu veux faire un vrai job, faut soudoyer une mère. Ta femme veut une nouvelle robe, faut soudoyer une mère. Et même avant de disclore. Qui vient de Montreuil et qui faisait partie d'un autre groupe de rap français qui s'appelait Big Buddha Cheese, qui vient de sortir un. Ouais. Big Buddha Cheese. Je vous explique vite tough le concept. On a bien eu Saiyan Supacro. Non mais c'est du rap, mais qui sort vraiment, vraiment tout droit de 1992. Je suis tout à fait d'accord avec toi. Et oui, c'est excellent dans le sens où il a poussé le concept à tous les niveaux, son flow est vraiment typique début du rap français. Son style vestimentaire, il est habillé en Lacoste, en gros pull, avec la coupe afro rasée sur les côtés. Ah oui, la phrase de Bel Air et tout. Exactement, les clips, c'est que ça, les textes, c'est que des vieux délires avec des vieilles analogies qui se faisaient à l'époque. Tu vois, c'est plus du tout. C'est vraiment un pur délire. Et là, il a fait un EP avec Midsizer, qui est un bon gros producteur électro-hip-hop. Très connu, qui a fait des sons, je sais plus pour qui exactement, mais qui se chiffrent en millions de vues largement. Voilà, l'EP s'appelle Junior, c'est un super délire, c'est cool à écouter pour rigoler, faire un petit peu de nostalgie de le rap, c'était mieux avant. Alors, c'est une bonne phrase. Alors ouais, j'ai écouté l'EP, ouais, et j'ai adoré. J'ai trouvé ça ultra mortel. Alors, de 1, parce que ça te fait penser au hip-hop des années 92, j'ai fait même plus précis. Je me suis dit, putain, j'ai l'impression d'entendre un album de Fab. Et c'était. Et, ouais. Et j'adorais Fab. c'était un de mes rappeurs préférés. Ah, moi, j'ai pensé un peu à Alliance Ethnique, en fait. Pas sans être gentil, mais dans mon style. C'est moins funky, quand même. Enfin, oui, moins funky, mais c'est pas très funky. Tout, hein. Enfin, ouais, moi, je suis comme légèrement cette impression-là, tu vois. Mais dans le style, dans les années et tout, c'était pas un truc négatif ou quoi. Hein, non, j'étais vraiment agréablement surpris par ce côté, ils sont très revival des années 90, trucs comme ça. Et ouais, moi c'était c'est les X-Men surtout que ça m'inspire. Et il y a quelque chose des X-Men qui est. Et toutes ces productions-là, Time Bomb de l'époque et Héritier de Dynasty, et Et putain, c'est trop bon parce que c'est tout neuf, ça. Et les prods sont très bien maîtrisés aussi, ouais, au passage. Et mais coup, et c'était bien. Aussi beaucoup plus divers que ce que tu peux. Ce que ta description peut en laisser dire, en fait. Ouais. Parce que, enfin, quand on t'écoute, on pense que c'est juste un album, une sorte de rip-off des années 90. Mm-hmm. Et en fait, l'album est assez divers, avec des morceaux, avec des trucs, comme tu dis, beaucoup plus électro. Mm-hmm. Des morceaux vraiment à l'ancienne. Non, c'est vraiment sympa et plutôt divers. Donc, non, franchement, super découverte. Ouais. Ça a vachement plu. Et bah, du coup, ça a bien fait chier mes voisins. Ça marche. Eh ben, c'était bien. Messieurs, ce fut un plaisir. C'était juste un plaisir aussi. Peut-être moins pour les voisins, mais c'est pas grave. Comme d'hab. Hein. Bon, au pire, il reste des chouquettes. On filera des chouquettes. Tiens, pour les chouquettes. Allez, on se donne rendez-vous pour le mois prochain. Allez, à la prochaine. Ciao. Pas trop de décibels. Hein. Salut.